Un quart de lieue plus loin, il fallut s'arrêter pour accommoder avec de la corde une courroie qui était rompue. Mais Charles, donnant au harnais un dernier coup d'œil, vit quelque chose par terre, entre les jambes de son cheval. Il ramassa un porte-cigare, tout bordé de soie verte et blasonné à son milieu comme la portière d'un carrosse. « Il y a même deux cigares dedans, dit-il. Ce sera pour ce soir après dîner. »« Tu fumes donc ? » demanda-t-elle. « Quelquefois, quand l'occasion se présente. » Il mit sa trouvaille dans sa poche et fouetta le bidet. Quand ils arrivèrent chez eux, le dîner n'était point prêt. Madame s'emporta. Nastasie répondit insolemment. « Partez ! » dit Emma. « C'est se moquer, je vous chasse !» Il y avait pour dîner de la soupe à l'oignon avec un morceau de veau à l'oseille. Charles, assis devant Emma, dit en se frottant les mains d'un air heureux. « Cela fait plaisir de se retrouver chez soi. » On entendait Nastasie qui pleurait. Il aimait un peu cette pauvre fille. Elle lui avait autrefois tenu société pendant bien des soirs, dans les désœuvrements de son veuvage. C'était sa première pratique, sa plus ancienne connaissance du pays. « Est-ce que tu l'as renvoyée pour tout de bon ? » dit-il enfin. « Oui, qui m'en empêche ? » répondit-elle. Puis, ils se chauffèrent dans la cuisine pendant qu'on apprêtait leur chambre. Charles se mit à fumer. Il fumait en avançant les lèvres, crachant à toute minute, se reculant à chaque bouffée. « Tu vas te faire mal !» dit-elle dédaigneusement. Il déposa son cigare et courut avaler à la pompe un verre d'eau froide. Emma, saisissant le porte-cigare, le jeta vivement au fond de l'armoire. La journée fut longue le lendemain. Elle se promena dans son jardinet, passant et revenant par les mêmes allées, s'arrêtant devant les plates-bandes, devant l'espalier, considérant avec ébahissement toutes ces choses d'autrefois qu'elle connaissait si bien. Comme le bal déjà lui semblait loin, qui donc écartait à tant de distance, le matin d'Averiens, d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui? Son voyage à la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie, à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage, en une seule nuit, creuse quelquefois dans les montagnes. Elle se résigna pourtant. Elle serra pieusement dans la commode sa belle toilette et jusqu'à celui de satin, dont la semelle s'était jaunie à la cire glissante du parquet. Son cœur était comme eux. Au frottement de la richesse, il s'était placé dessus quelque chose qui ne s'effacerait pas. Ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal. Toutes les fois qu'on revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant « Ah, il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, j'y étais. » Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire. Elle oublia l'air des quadrilles, elle ne vit plus si nettement les livrées et les appartements. Quelques détails s'en allèrent, mais le regret lui resta.